Et maintenant que j'ai parlé de la faculté de mémoire, je voudrais parler de la raison et de la démonstration. Avant de venir faire cette conférence, j'ai relu quelques démonstrations d'Euclide dans le texte original. Et j'ai bien regardé la longueur de la démonstration dans la géométrie d'Euclide. En feuillettant comme ça les 10 livres, on s'aperçoit assez rapidement qu'il est extrêmement rare qu'une démonstration d'Euclide dépasse une page et demie ou 2 pages in octavo. Vous voyez, il y a 2 pages en gros de démonstration. Et par conséquent, un mathématicien, vous par exemple, vous pouvez vous souvenir de la démonstration du théorème de Pythagore. Vous pouvez vous souvenir de la démonstration de tel et tel théorème, et à mesure que la science avance, la longueur des démonstrations croît un peu, mais pas vraiment beaucoup. S'il y a de très longues démonstrations dans la quadrature de la parabole d'Archimède, il y a quelques longues démonstrations dans la géométrie de Descartes, mais tout d'un coup, rappelez-vous de la méthode cartésienne, je m'en souviens tout d'un coup, la méthode cartésienne dit dans la 4e règle, faire des revues si entières, faire des revues si générales et des dénombrements si entiers que je fusse assuré de ne rien omettre. Vous vous rappelez de la 4e règle? Je m'en souviens juste maintenant. Faire des revues si générales et des dénombrements si entiers que je fusse assuré de ne rien omettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je fusse assuré de rien omettre. Eh bien, ce qu'il appelait, lui, Descartes, les chaînes toutes simples et faciles de la géométrie pouvaient toutes, du point de vue rationnel, se référer à lui, que je fusse assuré de ne rien omettre. C'est-à-dire que, dans ma mémoire, je pouvais aller du début à la fin de la démonstration et c'est moi qui pouvais en contrôler pas à pas tous les chaînons. Et par conséquent, j'étais sûr de la vérité de la conclusion. D'accord ? Puis peu à peu, qu'est-ce qui arrive ? Il arrive que, pour démontrer un théorème, de plus en plus, ça fait 3 pages, puis 10 pages, puis 20 pages, puis 100 pages, puis 1000 pages, puis 3000 pages. Et à ce moment-là, la communauté des mathématiciens commence à réagir et à dire... il est bien clair que la 4e règle, ils ne le disent pas comme ça, c'est moi qui le dis, que la 4e règle de Descartes est désormais plus intéressante, et par conséquent, qui va dire je ? Qui va maintenant contrôler pas à pas la certitude de la, des chaînons de la démonstration ? Réponse, nous. Nous, c'est-à-dire nous, l'école Bourbaki, nous, les professeurs de mathématiques de Polytechnique, nous, les académiciens des sciences, bref, la communauté des mathématiciens. Donc le sujet, déjà, n'est plus jeu. La faculté de la raison quitte le jeu. Et puis tout d'un coup, il y a des démonstrations, on en parlait, je crois, avec Gilles, il y a quelque temps, qui vont excéder tellement le nombre de pages en question qu'il ne va plus être question de pouvoir le gérer pas à pas par la totalité de la communauté mathématique. Eh bien, c'est l'ensemble des démonstrations, eh bien, elle se trouve de nouveau dans l'objet. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, là, il y a une révolution vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que, peu à peu, les facultés cognitives, que ce soit la mémoire, et maintenant la faculté opératoire, et maintenant la faculté de démonstration, et ainsi de suite, vont passer tout à coup du subjectif personnel au collectif des spécialistes ou des experts, et tout d'un coup à l'objectif. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est l'objet lui-même qui va tenir et contrôler la démonstration. Vous voyez que peu à peu, il y a une externalisation du cognitif. Le cognitif n'est plus... Vous voyez que philosophiquement, c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est plus le sujet, c'est plus l'individu, c'est plus « je » au sens cartésien, du « je pense dont je suis ». C'est plus « je », c'est plus « nous », le sujet de nouveau. C'est « il », c'est « ça », c'est l'objet. C'est l'objet. Est-ce que c'est nouveau ? Externaliser les fonctions cognitives, c'est nouveau. Michel Serres, est-ce que c'est nouveau, les yeux dans les yeux ? Non, c'est pas nouveau. Je vais essayer de dire comment. Je vais essayer de dire vraiment. Il y a quelques années, Il y a quelques années, les dames parmi vous, il n'y en a pas beaucoup, c'est dommage, connaissent sans doute la Lecce League. Vous ne connaissez pas la Lecce League. La Lecce League, c'est une association de femmes très, très militantes, très, très féministes, très sympathiques, qui prônent et qui militent dans le monde de façon très violente pour l'allaitement maternel le plus long possible des enfants, Lecce League. Et il y avait une grosse compagnie pharmaceutique qui avait inventé récemment un biberon. C'est curieux de parler de biberon à l'école polytechnique, mais pourquoi pas, qui avait inventé un biberon dont l'embout imitait parfaitement le bout du sein, dont la contexture n'était plus en verre, mais imitait parfaitement l'élasticité chaude et intime du sein maternel. Et vous savez sans doute que quand un bébé tète, il ne boit pas du lait homogène. Que à mesure que le bébé tète, la sécrétion mammaire change du tout au tout, comme si l'enfant faisait un vrai repas avec hors d'œuvre et dessert. Voyez, c'est-à-dire que le lait est de plus en plus sucré et donc ça évolue de façon telle que le repas se termine. Et les inventeurs de ce biberon avaient trouvé une manière d'imiter parfaitement ce type de lait, de sorte qu'en buvant le biberon, l'enfant était à peu près dans les conditions de ses maternelles, d'où une bagarre épouvantable entre la Lecce League et le truc. Malheureusement, ils m'ont pris pour arbitre. Alors, ils m'ont pris pour arbitre, comme vous m'avez invité ce soir, et j'ai réfléchi intensément à ce que c'était qu'un biberon. Et c'est pour un philosophe, c'est intéressant de se dire, voyons, qu'est-ce qu'un biberon, voyez, et qu'est-ce que vous m'avez demandé quelles sont les nouvelles technologies, mais qu'est-ce que c'est qu'un biberon? Ben, un biberon, c'est tout simple, c'est un sein. Et d'ailleurs, mais c'est un sein amovible. Et oui, la preuve, c'est que papa peut donner le biberon, le grand-père peut donner le biberon, la concierge peut donner le biberon. Il n'y a plus que la mère n'a pas toujours à se trimballer pour donner le sein. Le biberon est amovible. Mais tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la technique en général? Qu'est-ce que c'est qu'une technologie? Qu'est-ce que c'est qu'un marteau? Un marteau, mon Dieu, mais c'est mon avant-bras plus le poing. Au lieu de taper avec le poing, je fabrique un avant-bras, le manche, et la masse, ça fera le poing. Voyez, qu'est-ce que c'est qu'un couteau? Au lieu de couper avec le tranchant, on dit bien le tranchant de la main. Au lieu de couper, je vais fabriquer quelque chose qui sera un tranchant de main. Qu'est-ce que c'est qu'une cuillère? Ben, c'est le creux dans lequel je bois de l'eau, mais c'est un creux de main amovible, est toujours là. Voyez, et ainsi de suite. Et tout d'un coup, qu'est-ce que c'est que la roue? On célèbre l'invention de la roue. Ben, c'est pas très difficile, vous savez. La roue, on voit les articulations de la hanche, du genou, de la cheville et des métatarses. Tout ça, c'est des rotations. On fait une rotation amovible. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais si par hasard, la totalité de la technique n'était pas une externalisation des fonctions des organes du corps? Et je crois désormais que c'est vrai. Je vous présente là ma théorie de la technique, qui n'est là, alors, mon cher Gilles, ni optimiste ni pessimiste. C'est ainsi. C'est-à-dire que peu à peu, nous externalisons dans le monde extérieur, nous objectivons des fonctions du corps d'abord, et puis ensuite des fonctions plus compliquées. Et puis, quand on parle de réseau, ben, on imite probablement quelque chose comme les réseaux nerveux ou les réseaux qui parcourent notre corps ou les réseaux sanguins, etc. Et puis, peu à peu, on imite même la fonction fondamentale du vivant, c'est-à-dire la réplication de l'ADN. Qu'est-ce que c'est qu'une imprimante? Qu'est-ce que c'est que... Nous ne faisons dans les technologies qu'externaliser sans arrêt les organes, les fonctions, les systèmes, etc., jusqu'au secret le plus profond des vivants. De quoi? Mais, ce que je disais au début de ma conférence, c'était ça. C'était de dire, mais voyons, est-ce que stocker de l'information, transmettre de l'information, émettre de l'information, etc., c'est nouveau? Oh non, tous les vivants le savent, mais c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la nouvelle technologie? C'est du vivant externalisé. Et tout d'un coup, je me suis aperçu, en effet, que c'était tout à fait nouveau dans les nouvelles technologies que de externaliser les fonctions cognitives, comme la mémoire, dans le cas que j'ai cité historiquement, et dans la raison, puisqu'on a aussi fait la même démonstration, mais au fond, c'est très nouveau. Pourquoi ? Parce que ça externalise des fonctions dont on n'avait même pas l'idée qu'elles pouvaient être externalisées, puisque pour nous, elles définissaient profondément ce que c'était qu'un sujet. D'ailleurs, pour nous, profondément, qu'est-ce que c'était Michel Serres ? C'était un certain type de mémoire, plus un certain type de raison, plus un certain type d'imagination. Et bien voilà, tout ça, c'est désormais externalisé. Et je me suis aperçu de ça de plus en plus en me disant, mais voyons, souvent je m'étais posé la question autrefois, mais pourquoi l'homme s'habille-t-il ? N'est-ce pas ? Pourquoi on s'habille ? Alors, il y a des tas de théories disant, mais il fait froid, alors on s'habille, mais ce n'est pas vrai. Vous avez remarqué que les Indiens d'Amérique, du côté des Grands Lacs, par les grands froids, étaient nus. Vous connaissez l'histoire de l'Indien qui rencontre le visage pâle, et le visage pâle lui dit, mais comment peux-tu supporter un froid pareil et tu es nu ? Et l'Indien lui répond, mais toi et ton visage, il est tout nu aussi, ton visage. Eh bien, moi, tout visage. Oui. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a froid qu'on s'habille, ce n'est pas parce que peut-être qu'on veut être plus belle ou plus beau, peut-être on veut cacher les misères de sa propre peau ou des cicatrices de vieilles blessures. Non, je ne crois pas. Je crois que tout simplement, lorsqu'on a perdu les poils, parce que ça c'est assez vieux, on a trouvé une fourrure amovible, exactement comme le sein, exactement comme, etc. C'est-à-dire, la technique est absolument darwinienne, c'est-à-dire elle peut s'inscrire à l'intérieur, elle est, à mon avis, un exo-darwinisme. Vous voyez ? Le darwinisme, alors évidemment, pour lutter contre le froid, le darwinisme évolutivement va vous amener avec de la laine sur le dos, mais une fois qu'il fera chaud, vous allez mourir, forcément, puisque vous avez toujours la laine sur le dos. Tandis que si vous avez l'externalisation de la fourrure, ben, enlever la fourrure s'il fait chaud, vous voyez ? C'est-à-dire, ça économise la mort. Alors, vous direz au technophobe de ma part, Gilles Dowek, que la technique a pour but d'économiser du temps, de l'évolution, et la mort. C'est-à-dire, c'est plus la peine de mourir parce qu'il fait chaud, il n'y a qu'à enlever la fourrure. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'externalisation, l'exodarwinisme, nous permet tout d'un coup une liberté extraordinaire par rapport à l'environnement. Je crois que raisonnablement... C'est cela même, la technique. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les nouvelles technologies ? Non, ce n'est pas la technologie, puisque l'externalisation était déjà là, puisque l'exodarwinisme était déjà en train de fonctionner, mais l'énorme nouveauté des nouvelles technologies du point de vue humain, c'est d'avoir externalisé des fonctions cognitives dont, il y a à peine quelques dizaines d'années, nous pensions qu'elles caractérisaient l'individu humain lui-même. C'est-à-dire le sujet. C'est-à-dire le sujet devient objet. C'est-à-dire le sujet cognitif devient objectif. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui lui reste ? Alors le technophobe va de nouveau avoir la parole. Alors pour répondre au technophobe là, je vais m'amuser, mais je devrais faire de la gymnastique. J'avais un vieux prof autrefois qui s'appelait Leroy Gourand, que j'adorais beaucoup, et qui était assez bon. Préhistorien, pour d'un coup de masse faire exactement le biface que savaient faire les Magdaléniens ou les gens du Paléolithique. Hélas, il est mort avec un Parkinson et je pleurais de voir un homme qui savait absolument ce que c'était que l'outil et que la main mourir de cette façon. Bref. Et il disait, et il nous faisait souvent pour nous faire rire, et il nous disait regardez comment on s'est mis à quatre pattes. On était à quatre pattes. On était à quatre pattes, alors des milliers d'années, évidemment, des millions d'années, on s'est mis à deux pattes. Alors, les avant-bras ont perdu la fonction de portage, hein, perdu la mémoire. Je vous avais promis de parler de perte. Alors, il disait, les avant-bras ont perdu la fonction de portage. Ah oui, bien sûr, ils ont perdu, mais nous avons gagné la main. Et la main, c'est quand même le chef-d'œuvre de l'évolution, puisque ça nous permet toutes sortes de sculptures, de techniques et de faire signe, etc. Le piano, enfin tout ce que vous voudrez. On a gagné la main. Le gain était 1000 fois plus important que d'avoir perdu la fonction de portage. Mais au moment où on s'est mis, debout, la gueule, la bouche, avait, quand on était à quatre pattes, la fonction de préhension. Et quand on s'est mis debout, c'est la main qui a eu la fonction de préhension. La bouche a perdu la fonction. Vous voyez, on ne fait que perdre. Oui, mais la bouche a perdu la fonction de préhension, mais du coup, elle s'est mise à parler. Vous voyez, alors, perdre, c'est... Vous perdez la mémoire. On va perdre la démonstration. On va perdre, etc. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on gagne, puisque le roi Gourand disait « Nous perdons la... » Mais enfin, il disait « Nous sommes libérés de l'écrasante obligation de portage. » Puis nous sommes... La bouche est libérée de l'écrasante obligation de prendre, donc elle parle. « Nous sommes libérés de l'écrasante obligation de mémoire. Nous sommes libérés de l'écrasante obligation des mondes. Nous sommes libérés de l'écrasante, etc. Nous sommes condamnés à devenir intelligents. » C'est-à-dire que plus vous externalisez les fonctions cognitives, plus vous vous débarrassez d'écrasantes obligations concernant cette cognition. C'est ça le fond de mon optimisme. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'au cours de l'histoire, chaque fois qu'on a perdu, comme dans le portage, comme dans l'appréhension, etc., on a gagné quelque chose qui était à l'étage au-dessus de ce qu'on perdait. Vous voyez, on avait perdu le portage, on a l'appréhension, on perd l'appréhension, on gagne la parole, et ainsi de suite. Et je pense tout d'un coup que, puisque j'aime les mots, je l'ai assez montré, qu'en langue française, le verbe « perdre » a deux sens. On perd au jeu, ou on perd quelque chose, mais on perd aussi comme une casserole perd, avec un trou dedans. L'homme est un animal dont le corps perd. Il a perdu le marteau, il a perdu la roue, il a perdu, etc. Et tout d'un coup, il perd ses facultés cognitives, et ses facultés cognitives sont désormais les nouvelles technologies que vous avez devant vous. Au fond, vous avez devant vous le cognitif de vos ancêtres en mieux, externalisé, objectivé, soumis désormais à une nouvelle histoire que j'appellerais volontiers l'exo-darwinisme. Je finis maintenant, parce que je suis en train de parler depuis longtemps. Je crois que pour finir, ça serait bien de faire sa prière. Vous savez, faire un peu de prière pour finir. Alors, faire sa prière. Puisqu'on est à Paris, je vais faire ma prière au saint patron de Paris. Je vous convoque à la prière. Saint-Denis venait d'être élu évêque de Paris, évêque de Lutèce. Il ne s'appelait pas Paris à cette époque. Et c'était l'époque de la grande persécution de l'empereur Décius, je crois, quelque chose comme ça. Si je me trompe en histoire, hein, vous regarderez dans le web. Hein, j'ai perdu la mémoire complètement, mais je crois bien que c'était l'empereur Décius. Mais bon, vous n'avez qu'à regarder dans le web. Saint-Denis était un soir avec ses ouailles dans une salle comme ce soir. Il était sur la tribune, il était en train de parler et les gens l'écoutaient comme ce soir exactement. Mais ils avaient tous très très peur parce que aux portes là, ils avaient mis des veilleurs parce que les centurions et l'armée romaine guettaient un peu les premiers chrétiens pour les alpaguer. Et tout d'un coup, ce qui devait arriver arriva. L'armée romaine enfonce les portes et le centurion, le coupe-chou à la main, se précipite sur Saint-Denis et vous connaissez l'histoire par cœur. Chop, lui coupe la tête et la tête roule par terre. Et miracle, absolument miracle, c'est ça la prière de ce soir. L'évêque de Nice se baisse et ramasse sa tête. Et évidemment, quand ma grand-mère m'a raconté cette histoire, j'ai dit, mais comment se fait-il qu'il ait pu repérer où se trouvait sa tête, puisque les yeux... Non, c'est un problème. Mais ça a été un tel miracle qu'il puisse ramasser sa tête et qu'il la montre comme ça, que tous les soldats romains sont partis, et c'est ainsi que se termine l'histoire. Non, ce n'est pas ainsi que se termine l'histoire. Tous les jours et tous les matins, lorsque désormais vous allumerez votre ordinateur, vous voudrez bien, en souvenir de moi, l'appeler Denis, parce que c'est là que réside votre tête désormais, puisque c'est ici qu'il y a votre mémoire, votre faculté de raison, votre imagination, etc., enfin objectivée, et qu'en face d'elle, il vous reste à devenir intelligent, ce que je souhaite. Merci. Vous avez parlé du corps de l'homme comme un corps qui perd, vous avez parlé de l'enfant qui... Non, justement, vous n'avez pas parlé des enfants. Vous avez parlé du fait que les hommes, à une époque reculée, marchaient à quatre pattes et qu'ils se sont mis debout. Il se trouve que les enfants, quand ils naissent, ne marchent pas debout. Ils passent encore par une phase où ils marchent à quatre pattes. Et donc je comprends très bien ce que vous dites sur l'externalisation des fonctions qu'on observe jusque dans les nouvelles technologies, mais vous n'avez pas du tout abordé le problème de, c'était pas votre sujet non plus, mais le problème de l'éducation, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut d'emblée placer les enfants dans cet environnement? Parce que vous voyez, par exemple, pendant votre conférence, vous avez dit, il me revient en tête la quatrième règle de Descartes. Donc vous n'avez pas complètement perdu la mémoire, et vous avez eu aussi, vous, à votre époque, une éducation qui vous permet aussi peut-être un usage intelligent des nouvelles technologies. Et la question, c'est aussi de savoir comment élever les enfants. Husserl le disait, la Terre ne se meut pas, il ne voulait pas par là réfuter le système héliocentrique de Copernic, mais il voulait dire que on ne peut penser ce système héliocentrique que parce qu'on a d'abord opposé le mouvement relatif à la fixité absolue de la Terre. Et on continue, un enfant continue... À dire, le soleil se lève. Oui, et puis mais nous aussi. On parle du sol ferme de la raison, par exemple. Cette seule métaphore nous montre bien qu'on a besoin de cette fixité. Oui, exact. Donc voilà, quelle est votre position par rapport à l'éducation qui permet justement une saine externalisation et non pas quelque chose de moins sain. La question est d'autant plus importante, cher monsieur, que nous sommes en présence depuis maintenant, disons 25 ans ou 30 ans, de la plus grande crise du monde éducatif de toute l'histoire. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi dans tous les pays du monde, quels que soient leurs efforts, la crise est si importante. Et je crois que ce que je viens de dire n'est pas pour rien dans la crise de l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, s'il y a un transfert aussi brutal de ce qu'on appelait autrefois les fonctions du sujet vers un objectif déterminé, cela met en péril complètement tout ce qu'on pensait autrefois de la formation du sujet individuel. Et par conséquent, en effet, c'est un problème majeur sur lequel je n'ai pas beaucoup de solutions. Mais un second problème s'ajoute à ce premier, à mon avis. C'est le suivant. C'est que depuis l'invention de l'imprimerie, depuis la révolution industrielle, où les objets se font en série, depuis l'imprimante, depuis les jeux vidéo, etc., on est en présence d'un monde qui est de plus en plus répétitif, de plus en plus repliqué, de plus en plus livré à l'imitation, de plus en plus livré à la répétition, de plus en plus livré à la redondance. Et qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui que quelque chose qui a du succès? On ne dit pas que c'est inimitable, on dit le contraire. On dit, regardez, il y a des millions de gens qui ont lu Harry Potter. On ne dit pas « Harry Potter est un bon roman ». Non, non, non. On dit « il y a des millions de gens qui l'ont lu ». Donc, on est livré à cette espèce de répétition depuis que précise. Et donc, nos enfants et vous-même, vous êtes écrasés de la redondance du monde actuel. Vous voyez ? Ce monde écrase les gens de redondance. Et demain matin, tous mes étudiants sauront par cœur ce que Patrick Poivre d'Avant va dire ce soir à la Une. Vous voyez ce que je veux dire, à 20h. Donc là, il y a, c'est pas que ce soit bon ou mauvais, ça m'est égal. Le problème, c'est la répétition et la redondance. Or, l'éducation, c'était justement de dire, toi, tu es unique au monde. Tu dois être libre et tu dois être un individu porteur d'une singularité inimitable. Et là, il y a une contradiction gigantesque. Il y a une contradiction d'un côté entre le sujet et l'objectivation, un, et d'autre part entre la redondance et la particularité singulière que doit être un individu. Parce que qu'est-ce que c'est que l'éducation ? C'est de dire, tu es individu, libre, personnel et unique au monde. Et ça, c'est impossible dans un monde redondant comme le nôtre. Donc, on est exactement bloqué là-dedans. Alors, je ne sais pas quelles sont les solutions, parce que je crois que la solution à ce problème sera donnée peut-être à terme et par un esprit plus important ou plus fort que le mien. La première chose que j'ai à dire sur les technologies, c'est que les enfants sont curieusement beaucoup plus adaptés que les adultes à toutes les technologies imaginables, y compris celle-là. Vous l'avez remarqué ? C'est-à-dire, j'ai envie de souvent dire, qu'est-ce que la science ? La science, c'est tout simplement ce qu'un adulte enseigne à un enfant. Qu'est-ce que la technologie ? Oh, c'est tout simplement ce qu'un enfant enseigne à un adulte. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que nous n'avons aucune difficulté à élever nos enfants à cette technologie. C'est même eux qui nous élèvent à cette technologie. Donc, ils y sont de plein pied. Toute la question est évidemment les former pour qu'ils aient une distance par rapport à ça. C'est ça votre problème. Eh bien, c'est eux qui l'acquéreront. On ne peut pas le faire à leur place. Ce n'est pas possible. La seule chose que je trouve criminelle, c'est pas de leur avoir donné les technologies, c'est de les écraser de redondance. C'est ça que je trouve aujourd'hui le plus grave dans l'éducation des jeunes gens. De les écraser sous la mode, sous la publicité, porter tous les mêmes jeans, porter tous, vous voyez, être écrasé par la répétition, etc. Vous voyez, et de dire qu'il faut aller voir ce film et qu'il faut tel chant, etc. C'est la redondance qui me paraît le plus fort. Vous voyez, j'ai pas de solution sur l'éducation vraiment. Si j'en avais une, mais de toute façon. C'est comme dans le cas de Robin des Bois, hein. C'est eux qui le feront. Je ne me crois pas capable de leur dire de l'extérieur comment faire. Tout ce que je peux dire, c'est voilà ce qu'était le sujet autrefois. Il n'est plus comme ça. Et lorsque les philosophes disent qu'il faut former des sujets, etc., c'est terminé, ce sujet-là n'est plus le même. La coupure entre le monde qu'induisent les nouvelles technologies et le monde antérieur est une coupure beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Vous avez dit que l'homme était défini il n'y a pas longtemps par ses aspects cognitifs, la mémoire, la raison et l'imagination. Or, on n'a extériorisé que la mémoire et la raison pour l'instant. Et maintenant, qu'est-ce qu'il définirait alors, selon vous, si... L'imagination. Seulement l'imagination définirait... Les questions de l'imagination. C'est ça ? Je demande, qu'est-ce qui définit l'homme, selon vous, à notre époque, maintenant ? Non, j'entends pas, pardonnez-moi. Il faut parler plus fort. Désolé. Je suis vieux, je suis un peu stressé. Un peu sourd. Je voulais te demander, qu'est-ce qui définit l'homme, maintenant, selon vous, si... Enfin, comparé à avant, quoi. Ah oui. Alors, je suis très intéressé par cette question. Vous voulez que je fasse un peu de pub ? Je publie en février un livre sur ce sujet. Je crois que la coupure que nous sommes en train de vivre, qui n'est pas seulement liée aux nouvelles technologies, mais qui est probablement liée à de toutes autres questions concernant le vivant, concernant les biotechnologies, concernant l'agriculture, concernant la naissance, la vie, la mort, la douleur, etc., la coupure est vraiment relativement considérable. Alors, qu'est-ce qui définit l'homme aujourd'hui ? Je crois que la coupure est si forte qu'on ne peut la comparer d'une certaine manière qu'à ce qui nous est arrivé au néolithique. Vous voyez ? C'est-à-dire à l'époque où on a inventé l'agriculture, qu'on a inventé les premiers outils, etc. Je crois que là, il y a une coupure considérable. et que jusqu'à maintenant, l'homme était défini par une philosophie qu'on appelait l'humanisme. Vous avez entendu parler. Et l'humanisme était toujours, lié à une définition de la nature humaine. Et cette définition était toujours fausse. On disait que l'homme, c'était l'animal qui rit, puis on trouvait tout d'un coup un animal qui riait aussi bien que nous. Puis tout d'un coup, on cherchait que l'homme était un animal qui faisait des outils, puis on s'est aperçu que les bonobos font pas mal d'outils, que les oiseaux font des nids, etc. Et on trouve toujours l'animal, on n'arrive jamais à trouver la définition de l'homme, de la nature humaine, etc. Mais nous avons quelque chose de tout à fait nouveau aujourd'hui qui va fonder l'humanisme de demain, je crois. C'est que nous savons désormais répondre à la question « d'où venons-nous ?». Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire, nous savons que l'homme est né en Afrique, qu'il y est resté tant de millions d'années, qu'il y a 100 000 ans, une poignée d'hommes beaucoup moins importante que celle-ci est passée par l'isthme de Suez et a commencé à se répandre un peu en Europe, un peu en Asie, qu'il y a 60 000 ans, une autre partie a envahi l'Australie pour donner nos frères aborigènes, qu'il y a 25 000 ou 18 000 ans, par la Béringie, à la faveur d'une glaciation, une autre partie est passée en Amérique et a descendu le long, etc. Donc nous connaissons l'histoire complète de notre famille humaine. Vous voyez ? Et là, aujourd'hui, nous savons vraiment, de façon darwinienne ou de façon évolutive, pourquoi nous avons des couleurs de peau différentes, nous avons des cultures différentes, pourquoi nous avons des littératures différentes, des langages différents, etc. Nous avons enfin construit une sorte de tronc et nous savons l'histoire de ces frondaisons, de ces bifurcations. Et donc nous savons comment nous sommes nés. Naturus, ça veut dire naître. Donc, nous savons ce que c'est, d'une certaine manière, que la nature humaine. Et nous le savons historiquement. Deuxièmement, nous le savons biochimiquement. Nous savons exactement, et d'ailleurs, c'est une façon de confirmer ce que je viens de dire, que tel type d'ADN, ça a évolué de telle et telle manière. Et nous n'avons plus besoin aujourd'hui ni de morale, ni d'idéologie, ni de religion, ni rien du tout pour savoir que nous sommes tous frères. Et ça, c'est une découverte bouleversante qui date de 20 à 25 ans. Et donc aujourd'hui, nous savons sur l'homme des choses si fondamentales que nous pouvons enfin dire qui nous sommes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est complètement nouveau, parce qu'autrefois, quand on parlait d'humanisme et qu'est-ce que la nature humaine, c'était de l'idéologie, c'était de la morale, c'était relative à telle et telle culture qu'il imposait à une autre culture, etc. Aujourd'hui, aucune culture ne peut s'imposer à l'autre, puisque désormais, nous connaissons le tronc et les branches de ce développement. Vous voyez ? Et là... Cette chance à la fois paléoanthropologique d'un côté, biochimique d'autre part, nous permet enfin de dire qui nous sommes et de dire d'où nous venons. Et cela est une découverte telle que il faut se lever et sonner la trompette pour dire enfin, nous savons ça. Vous voyez ? Et ça sera l'horizon certainement de votre génération. Oui. L'horizon de votre génération, l'horizon de ma génération, c'était 4 ou 5 000 ans. C'était rien du tout. L'horizon de votre génération, c'est 7 millions d'années, mon cher. Oui. Et cet horizon-là fonde réellement ce que c'est que l'homme. Oui. Et ça, nous ne le savons. Moi, je ne l'ai appris qu'à la fin de ma vie. Oui. Et c'est quand même tout à fait nouveau. Et c'est aussi nouveau que les nouvelles technologies. Nous n'habitons plus le même espace, c'est ce que j'ai dit, mais à ce point de vue, nous n'habitons plus le même temps. Et les plus cultivés d'entre nous n'avaient que 4000 ans, n'avaient 6000 ans. C'était des jeunes gens. Vous en avez 7 millions, vous êtes un vieillard par rapport à moi. Nous n'habitons plus le même temps. Nous sommes dans la position un peu particulière par rapport à la technologie, parce que nous sommes les gens qui créent la technologie. Et quand j'observe ce qui se passe avec la technologie, ce n'est pas quelque chose de statique. Alors, par exemple, il y a des expériences qui ont montré que les enfants qui habitent avec le MTV, ils changent, leur cerveau change. Oui. Il y a plus de connexions, ils regardent les choses plus rapidement. Alors, il y a une réaction de la technologie ce qu'on fait comme les êtres humains, et aussi une adaptation. Alors, ce n'est pas seulement darwinien dans le sens que c'est un seul sens, que nous qui adaptons de la technologie, mais nous sommes toujours en train d'adapter par rapport. Et c'est dans les deux sens. Alors, je pose la question, si on est dans ce contexte-là, quel type, comment on peut imaginer l'avenir de la technologie? Alors, ce n'est pas passif dans le sens, c'est pas statique, c'est pas quelque chose que, comment expliquer, mais c'est pas le fait que on débarrasse la mémoire et non, c'est non, fait, ça ne débarrasse mais pas. C'est interactif et notre moyen d'interagir avec la mémoire, oui. Ça change et c'est pour oui, nous de oui. créer ce type d'échange. Oui, oui. Alors, vous avez raison, c'est-à-dire que si j'ai paru dire que nous avons perdu la mémoire et qu'elle est dans l'objet, je l'ai peut-être un peu mal dit. Hein. Je veux dire que l'interaction entre le sujet et la faculté n'est plus la même. C'est-à-dire on n'a plus, la même réaction lorsqu'on a une mémoire intérieure, lorsqu'on a une mémoire de livre, lorsqu'on a une mémoire, etc. La mémoire change de modalité, voilà, c'est ça. Change plutôt de modalité parce que les contenus ont changé de place, ont changé de lieu. Voyez. Alors, voilà plutôt ce que je disais. Voyez, parce qu'on m'a accusé d'avoir de la mémoire. Bien sûr, j'ai de la mémoire, mais je suis allé voir quand même Euclide avant de venir. Voyez. Vous me demandez en plus comment ça va évoluer. Alors, je ne suis pas prophète, hein, je ne suis pas oracle, bien sûr. Mais ce qui me frappe le plus dans ces évolutions, c'est qu'une fois que l'évolution a lieu, avant de savoir si elle a lieu, je ne sais pas, elle est chaotique, je ne peux pas le prévoir. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand elle a eu lieu, j'en comprends la cohérence. C'est étrange, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que j'ai compris comment, si c'est vrai mon affaire d'exodarwinisme, on voit très bien comment l'histoire des techniques est relativement cohérente. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai parlé tout à l'heure du néolithique et je disais, c'est à cette époque-là qu'on a inventé l'agriculture. Comment ça s'est passé? Nous ne savons pas vraiment, mais nous savons. Ce que nous savons, c'est qu'au Moyen-Orient et au Chili, en gros, c'est les deux points importants, ils ont commencé à domestiquer un certain nombre d'espèces de faune et de flore. Le maïs, le blé, le bœuf, le mouton, bon, etc. Et comment ont-ils fait? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils ont agi sur la sélection. Et exclusivement sur la sélection. Très bien. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture? C'est une technique de la sélection, au sens darwinien du terme. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui dans les biotechnologies? Nous agissons sur la mutation. C'est-à-dire, on fait des... Mais au fond, c'est tout à fait nouveau. Non, c'est la même chose. Puisque qu'est-ce que c'est que la vie? C'est sélection plus mutation. D'une certaine manière, c'est plus de l'agriculture, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, c'est cohérent. C'est-à-dire, on avance peu à peu dans l'exploration de la vie, technologiquement parlant, et le pire encore, c'est que ce que je viens de dire, c'est que toute technique, désormais, est biotechnologique, d'une certaine manière. Mais du point de vue de l'agriculture, ça devient cohérent. Alors qu'au début, on disait, mais les manipulations génétiques, c'est vraiment une nouveauté absolue, on n'a rien vu de tel sous le soleil. C'est vrai qu'on n'a rien vu de tel. Mais si vous vous retournez, c'est bien cohérent avec l'invention de l'agriculture et tout d'un coup, on a une sorte de court-circuit géant qui se fait entre aujourd'hui et le néolithique. Par de là, l'histoire. Voyez. Alors, la réponse est, je ne sais pas, je ne sais pas, un peu comme dans les processus chaotiques, l'avenir est imprévisible, mais je suis certain que dans 20 ans, on se retournera et on dira, tiens, c'est quand même relativement cohérent. Voyez. Je voudrais revenir sur votre dernière image, l'ordinateur, la tête. Ah, ma prière. Voilà. Ma prière du soir. En cas de panne, de coupure d'électricité, on perd la tête. Oui. Que pensez-vous de notre très, très grande dépendance à cette source d'énergie? Est-ce que c'est nouveau? C'est toujours pareil. Oui, c'est nouveau parce que nous sommes dépendants dans des zones ou dans des régions qui n'étaient pas du tout envahies par la technologie jadis. Mais des risques de dépendance de ce genre, il y en a d'une certaine manière toujours eu. Nous savons par exemple aujourd'hui, puisque je continue l'histoire que je racontais tout à l'heure, nous savons aujourd'hui par exemple que lorsque l'élevage s'est répandu à partir du Moyen-Orient vers l'Europe occidentale par exemple, le bétail domestiqué qui avançait vers nous, vers l'Europe occidentale, était porteur de nouvelles bactéries et que probablement ça a induit de gigantesques épidémies. Et par conséquent, ces inventions nouvelles ont dû coûter des vies humaines en grande, grande quantité. Voyez. Donc là, il y avait un risque. Ça nous arriverait aujourd'hui, on arrêterait tout de suite l'invention de l'agriculture, vous voyez. Et puis la dépendance dont vous parlez, vous n'avez qu'à lire Michelet, vous n'avez qu'à lire Montesquieu, vous n'avez qu'à lire des auteurs déjà relativement anciens qui ont déjà, à l'égard de la technique, les mêmes critiques que les technophobes dont parlait Gilles Dohec. Vous voyez, c'est par exemple, lorsque la pomme de terre arrive en France et que Olivier de Serres et Parmentier tentent de la répandre, eh bien, on entend en France les mêmes arguments qu'aujourd'hui vous entendez à propos de l'environnement, à propos des poisons, à propos exactement les mêmes. C'est relativement stable. Et donc, les dépendances et les terreurs par rapport à la technique sont des choses qui, historiquement, sont relativement stables. Oui. Même la dépendance, je crois. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, dépendance? Vous comprenez? Vous n'allez pas sortir toute nue ce soir en sortant du cinéma à minuit. Vous aurez froid. Vous êtes dépendant de votre manteau. La dépendance, c'est un concept un peu flou. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Quand vous avez commencé à parler de l'externalisation de la mémoire, oui. Ma pensée a commencé à dériver. J'ai vu des livres et puis plein de livres sur des étagères et puis des très grandes bibliothèques. Là, je ne savais pas, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas pris en compte dans ce que vous disiez. Et puis, je suis arrivée au livre de Babel, à la bibliothèque, à Borges, etc. Et je me suis dit, c'est la quantité qui n'est pas prise en compte. Et puis, en fait, c'est la quantité d'informations, la quantité de mémoire. Puis, en fait, ce n'est pas vrai parce que tout ça, ce n'est pas nouveau. Toutes les bibliothèques contenaient déjà tout ça. Et alors, je ne sais pas, peut-être que je dis des bêtises là, mais il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte dans ce que vous avez dit. Et peut-être que c'est à ce moment-là la rapidité. La rapidité de traitement, la rapidité de transport de l'information. J'ai l'impression qu'il y a un passage à l'échelle qui change la nature des choses. Je suis d'accord qu'en général, les changements d'échelle changent les natures. Ça, Galilée le savait déjà. Nous ne pouvons pas construire la tour Eiffel avec du carton. Elle s'effondrerait, il faut que ce soit du fer. Donc, chaque fois que vous changez d'échelle, vous changez de nature, c'est sûr. Mais est-ce que vous essayez de vous rendre compte de l'effet de rapidité qu'a dû induire l'invention de l'imprimerie? Est-ce que vous vous rendez compte que la plupart des gens à l'époque ne pouvaient absorber que des quantités d'informations minimes, des paquets d'informations minimes? Et tout d'un coup arrive un livre de 1000 pages. Et tout d'un coup arrive une bibliothèque de 20, 30, 2000 livres. Vous voyez, ils ont dû à cette époque-là avoir un effet de changement d'échelle gigantesque. Vous voyez ce que je veux dire? Mais... En tout cas, je pense certainement que ce qui se passe actuellement, c'est du même type, en tout cas au moins aussi important que ce qui s'est passé au moment de l'imprimerie. Mais je n'ai pas l'impression qu'on a tout dit là. Non, on n'a pas tout dit, mais je voulais simplement dire que cette nouveauté-là concernant la masse est déjà un argument récurrent, c'est ça. Mais que en plus de la masse, il y ait des effets de traitement, il y ait des effets de mélange, qui changent d'échelle, non, ça c'est accordé, ça oui, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute, oui, oui. Et même dans la recherche scientifique, dans certaines spécialités, déjà la quantité d'informations est telle qu'on ne peut plus, imaginer qu'il y ait aujourd'hui un Maxwell ou un Poincaré, oui, sans doute. Oui, oui, ça c'est sûr. Mais enfin, là aussi, la question s'est toujours posée. On a toujours dit, vous pouvez trouver des textes du 5e siècle avant Jésus-Christ disant qu'on ne peut pas dominer l'histoire naturelle. Oui, oui, c'est déjà... C'est un argument réellement récurrent. Oui, oui. Vous avez parlé d'externalisation de la mémoire. Vous avez cité Amadou Hampateba avec le grand-père qui meurt, la bibliothèque qui brûle, Platon, le fait qu'il se souvenait de tout et après il raisonnait. Et j'ai un peu aussi l'impression que, enfin naïvement après cette conférence, j'ai un peu l'impression, naïvement après vous avoir écouté, que les nouvelles technologies, c'est un peu aussi une externalisation de la pensée. Quand on voit la création des forums, des blogs, etc., où justement la pensée est là, est très rapide, où on a l'humanité a un peu une idée sur tout et très rapidement. Oui, c'est ça, c'est ce que dit justement notre ami. Oui. Alors, bon, comment vous dire, on peut définir en gros ce que c'est que la mémoire. Hein. On peut définir en gros la raison, parce qu'on sait ce que c'est que la démonstration, que la vérification, etc. La pensée, boum. Là, je ne sais plus très bien de quoi je parle. Hein. Qu'il y ait des effets de rapidité aujourd'hui, qu'il y ait des effets, ça, c'est certain. On n'a pas connu un effet jamais dans l'histoire des effets de cette vitesse de passage. Ça, c'est certain. Mais parler de la pensée, ça, je suis un peu perdu. J'ai l'impression, si vous voulez, que quand on dit pensée, on dit quelque chose d'assez global. Dont la mémoire, la raison, l'imagination sont des composantes relativement dominées, mais qu'on ne voit pas très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous penserons toujours, d'une certaine manière, mais je préférerais dire que nous nous débarrassons de poids ou de contraintes ou d'obligations. Et qu'il y a une certaine agilité d'inventivité possible que nous avons en bénéfice de ce dégagement-là. Vous voyez ? À force de se débarrasser des problèmes de mémoire, des problèmes de référence, etc., il y a une certaine agilité qui me paraît nous rester dans la pensée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je suis assez optimiste. Il y a une sorte de filtrage, là. Vous voyez ? Parce que, rappelez-vous, dans mon métier, lorsque j'ai fait ma thèse sur les mathématiques chez Leibniz, j'ai passé 3 mois à faire la bibliographie et l'index. Aujourd'hui, pam, j'appuie, c'est terminé. Olé. Ça vaut le coup, quand même. Ça vaut drôlement le coup. Ouais. Oui. Et il me reste tout ce travail, il me reste 3 mois. Alors, pendant les 3 mois, qu'est-ce que je vais en faire ? Je peux aller au bord de la mer, je peux aller avec ma petite amie, je peux... C'est formidable. Bonjour. Bonjour. Je voudrais rebondir sur la réponse que vous avez donnée au premier intervenant. Oui, sur l'éducation. Première question. Oui, elle n'était pas bonne. Hein, ça, vous avez fini par dire que vous trouvez que, par exemple, dans la société moderne, les jeunes ou enfin ceux qui sont là aujourd'hui sont écrasés par la redondance et la répétition. Peut-être qu'apprendre par cœur des cours de 80 pages n'était pas ce qui formait les personnalités les plus originales. Peut-être que le modèle d'éducation que nous avons eu et que nous avons jusqu'à aujourd'hui est très orienté sur le formatage et non pas sur le développement de la personnalité. Peut-être que la mode n'est pas récente et qu'on trouve dans le misanthrope la critique de la nouvelle poésie à la mode, qui est comparée juste à la mode précédente. Hein. Ça, c'est une autre observation. Donc, peut-être que l'une des belles choses de cette nouvelle technique, c'est précisément que dans cet énorme espace de non-droit, il y a pour une fois déjà une opportunité qui est pour tous, d'une originalité qui est absolue et que peut-être on peut... Il n'y a même pas lieu de chercher dans ce que la société impose. La société ne pourra jamais imposer une originalité. Ce qui n'est pas dans une personne, ce n'est pas son enseignement qui va l'y mettre. Je me demande si vous n'avez pas cette impression que ce grand espace de non-droit, le grand vrai espace de non-droit, est ce qui permet, pour une fois, à l'individualité de se manifester envers et contre toute éducation. Vous avez entendu ? Voilà, j'avais mal répondu, vous avez très bien répondu. C'est-à-dire, en effet, ce que je voulais dire, là où vous êtes en avance sur moi, c'est qu'au lieu de dire redondance, vous avez dit formatage. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est-à-dire, en effet, toute la question de l'originalité, c'est qu'est-ce qui, chez nous, n'est pas formaté ? N'est-ce pas ? C'est ça. Comment ? Je n'entends rien. ce qui a résisté à l'éducation. Voilà, exactement. C'est-à-dire, dans l'éducation, il faut bien du format. S'il n'y a pas de format, bon, il en faut. Il en faut, c'est-à-dire que quand je vous écris une lettre, il faut bien qu'il y ait des marges, que j'écrive avec des lettres, c'est du format. Bon, il faut toujours du format. Donc, dans l'éducation, mettons du format. Mais aujourd'hui, le format est tellement répandu partout qu'on a en effet une chance d'avoir de la désobéissance par rapport au format, c'est-à-dire de l'information originale. Voilà, c'est ça. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, encore un peu de pub, dans le livre qui va paraître en février, je fais vraiment cette distinction entre format et originalité. C'est ça. C'est vraiment très intéressant. Ouais. Merci d'avoir dit ça. Parfait. Parfait. Ça prouve qu'il y a quand même des gens plus intelligents que moi dans la salle. C'est quand même intéressant. Parce... Vous savez, même les scientifiques ont lu Platon et Socrate, ils connaissent un peu. Ouais, ouais, c'est sûr. Je voudrais revenir à la première question sur l'éducation. Où êtes-vous ? Ici. Ah oui. Voilà. Je suis enseignant et je suis entouré par mes lycéens. Moi aussi. Et j'en suis très heureux. Et vous avez parlé de l'externalisation de la mémoire et donc de la perte de la mémoire. Ils ont dû être très heureux. je voudrais savoir si ce que vous avez écrit dans un de vos livres, je crois, Variations sur le corps, que je leur fais souvent lire en début d'année, qui est prendre, apprendre et comprendre, à votre avis, reste vrai ? Oui, ça reste... oui mais je ne peux pas. Je persiste et signe, quoi. C'est-à-dire, je continue à penser ça. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une fonction du corps, en effet. De digérer l'information de sorte qu'on comprend après avoir appris et après avoir... on ne comprend que beaucoup plus tard, souvent. Il m'est arrivé de m'arrêter à un feu rouge alors que j'avais 65 ans et de dire un théorème que j'avais appris en taupe. Oh, ça voulait donc dire ça. J'ai mis 60 ans à comprendre. Je n'étais pas si rapide que mademoiselle. Oui, c'est vrai que le corps sait faire ça. Je voudrais vous citer une citation de Jacques Ellul qui a dit dans un texte intitulé « Le bluff technologique » que l'homme doit simplement obéir à la croissance technicienne et que cette... Parlez plus lentement. L'homme. Il a dit que l'homme doit simplement obéir à la croissance technicienne et que celle-ci... À la croissance de ? Technicienne. Oui. Et que celle-ci représente un déterminisme absolu pour l'homme. Un quoi, hein ? Un déterminisme absolu pour un l'homme. Un quoi, hein ? Déterminisme. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. Absolu pour l'homme. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette thèse. Mais que je sache, il n'y a pas de déterminisme dans la croissance technique. On fait de la technique ce qu'on veut, ce qu'on peut, ce qu'on veut. Est-ce que vous croyez que je suis entièrement déterminé par mon automobile ? Est-ce que non, je ne trouve pas qu'il y ait une détermination. Au contraire, le darwinisme me détermine. C'est-à-dire, s'il y a un changement climatique, l'évolution fera que seuls vont subsister les animaux avec des fourrures. Bon. Et si j'ai inventé de la soie artificielle, ben je vais survivre à un changement climatique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a déterminisme de l'adaptation dans le cas darwinien. Mais puisque on invente un exo-darwinisme, il y a plus de déterminisme d'une certaine manière. Mais votre voiture ne l'utilisez pas. Partez à pied. C'est encore possible, vous voyez. Quand même, je ne vois pas où est le déterminisme là, vous voyez. Il faut vraiment haïr la technique à un point pour ne pas voir à quel point elle nous donne plutôt de la liberté. Vous voyez ce que je veux dire ? Citez-moi. Lorsqu'il y a déterminisme, il y a drogue. C'est la drogue, le déterminisme dans ce cas-là. Alors, on peut être drogué. Ah oui, parmi vous, il y a certainement des gens qu'on appelle allumés de l'informatique. Ça, c'est sûr, ils sont complètement drogués par l'informatique. Alors, les pauvres. Mais enfin, vous n'en faites pas, ce n'est pas si grave que ça. On n'en meurt pas, vous voyez. Non, je ne vois pas. Moi, je sais bien ce que pense Ellul de ces choses-là. Mais bon, je ne vois pas le déterminisme, mais je suis peut-être aveugle. Un grand merci pour cette grille de lecture qui a introduit une cohérence dans notre questionnement sur l'évolution. Mais ce qui m'a le plus convaincu, c'est cette externalisation donc des fonctions cognitives, mémoire, raison, imagination, oui. Et qui définirait en quelque sorte nos nouvelles technologies. Mais alors, la question porterait sur la nature de cette externalisation, parce que dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi un appel d'air dans cette externalisation, quand on élimine ou quand on rejette dans les nouvelles technologies la mémoire, la raison, l'imagination, est-ce qu'il ne se crée pas une nouvelle raison, une nouvelle mémoire, une nouvelle imagination? Et finalement, c'est dans ce retour éternel, dans cette évolution créatrice. Absolument, absolument. Donc, il se crée une nouvelle culture. Ne croyez pas qu'à l'invention de l'écriture ou à l'invention de l'imprimerie, l'ancienne culture a été écrite ou l'ancienne culture a été imprimée. Pas du tout. L'imprimerie a induit une nouvelle culture, a induit même une nouvelle science. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la science d'aujourd'hui, regardez la science d'aujourd'hui, l'océanographie, l'astrophysique, tout ce qui est biotechnologie, etc., rien n'est possible sans l'ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'ordinateur, déjà, a changé la nature de la science, dont, d'une certaine manière, notre rapport au monde, c'est-à-dire le rapport cognitif que nous apportons au monde. Par conséquent, il est vrai que cette externalisation crée une nouvelle manière de se souvenir, une nouvelle manière d'appréhender, et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Une dynamique et une métamorphose. Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs ça que je répondrai à M. Ellul aussi. C'est-à-dire, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas déterminisme, puisqu'il y a création d'un nouveau type de rapport. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez une nouvelle mémoire, vous pouvez traiter un nombre de données telles que la génération d'avant ne pouvait pas voir réellement le phénomène, puisqu'aujourd'hui, on traite suffisamment de données pour voir réellement. Il n'y aurait pas eu de biochimie sans ordinateur, il n'y a aucun doute là-dessus. Voyez. Et par conséquent, ça crée un nouveau rapport au monde, un nouveau rapport, etc. À propos de déterminisme, je voudrais dire quelque chose. Parce que tout ça, c'est de la science. Moi, je voudrais rentrer dans, pour finir au moins, dans le concret quotidien. J'étais marin, Gilles l'a dit, et puis j'avais une petite amie à l'époque. Chaque fois que j'arrivais dans un port, je postais une lettre, et puis elle m'envoyait une lettre dans un port. Ouais. Non, mais c'est très beau tout ça, mais enfin, la lettre que je recevais 15 jours, un mois après, correspondait à des sentiments qu'elle éprouvait en août, je les revais en septembre. Moi, je répondais aux sentiments d'août en septembre, elle le recevait en octobre, on ne comprenait plus très bien quel type de sentiments elle éprouvait, etc. C'est bien de l'amour, d'accord. Mais avec un cellulaire, dites, c'est quand même mieux. C'est-à-dire, tu penses ça maintenant, mais je peux te répondre maintenant. Et puis, ça, c'est de l'amour. Je suis rien. C'est-à-dire, c'est maintenant que j'éprouve ça. Alors, et toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Et voilà une liaison amoureuse qui est tissée menue. Mais moi, ma liaison amoureuse, elle était catastrophique. Elle était en haillons. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ça n'avait pas un progrès de l'amour, ça, mon cher? C'est extraordinaire. Vous n'avez pas connu, vous, les lettres des marins. C'était tristounet, vous savez. C'est ce qu'aujourd'hui, au moins.